Le ministre coréen de la Santé publique, Kang Ha-gu, s'est entretenu le 4 courant avec la rapporteure spéciale chargée des droits des handicapés relevant du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, Catalina de Bandas Aguilar, et sa suite, qui lui ont rendu une visite protocolaire.